إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد serviteur d'Allah, on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits qu'il nous a accordés. Et parmi ces bienfaits immenses, le fait d'avoir pu jeûner ce mois de Ramadan, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de le terminer dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré en cette fin de mois différentes choses. Parmi celles-ci, l'aumône de la rupture, dont on a déjà parlé lors d'une précédente assise. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré la prière de l'Eid, qui a lieu le jour de la fête de la rupture, et qui est une des deux fêtes des gens de l'islam, comme il est rapporté authentiquement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé que les gens avaient deux jours de fête durant lesquels ils se divertissaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: « Allah subhanahu wa ta'ala vous les a certes remplacés par deux jours meilleurs que ceux-ci, le jour de la fête du sacrifice et le jour de la fête de la rupture. » Ces deux jours de fête, donc, sont les deux seules fêtes annuelles légiférées pour les musulmans. Et toute autre fête que celle-ci, comme les mawalid, les fêtes nationales ou autres fêtes qui ne sont pas légiférées en islam, font partie des innovations et il n'est pas permis d'y participer. Cette fête donc, qui a lieu à la fin du mois de Ramadan, elle fait partie de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs, afin qu'ils soient reconnaissants envers lui pour leur avoir permis de jeûner ce mois. Ils accomplissent donc cette prière pour lui subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour cette fête différentes choses que nous allons mentionner dans cette assise. Premièrement, il est recommandé de se préparer pour la prière de l'Eid en faisant le grand lavage et en mettant ses plus beaux vêtements. En effet, l'imam Malik rahimahullah ta'ala a rapporté d'après Nafi' que le noble compagnon du prophète Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma faisait le ghusl, il faisait le grand lavage le jour de la fête de la rupture avant de se rendre à la prière. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: ceci est confirmé de Abdullah ibn Umar, tout en sachant sa ferveur dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se lavait donc le jour de l'Aïd avant de sortir. Et il est confirmé également de lui, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il mettait ses plus beaux vêtements le jour des deux fêtes. Et c'est en se basant sur ces deux récits que nombre de gens de science ont recommandé le ghusl, le grand lavage, et le fait de s'embellir par ses plus beaux vêtements le jour de l'Aïd. Bien sûr, ceci concerne les hommes qui mettent leurs plus beaux vêtements pour sortir à la prière de l'Aïd. Quant aux femmes, il leur est obligatoire, comme en tout autre jour, de se couvrir du voile légiféré qui leur a été imposé. Deuxièmement, parmi les choses légiférées, le jour de la fête de la rupture, le fait de manger quelques dattes en nombre impair avant de sortir à la prière. Tu manges par exemple 3 dattes, 5 dattes ou plus, et tu les manges en nombre impair. Et ce d'après le hadith de Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de la rupture avant d'avoir mangé quelques dattes, et il les mangeait en nombre impair. Troisièmement, parmi les choses légiférées recommandées, le jour de l'Aïd, le fait de faire le takbir et de le faire à voix haute pour les hommes. Quant aux femmes, elles le font à voix basse. Donc le jour de l'Aïd, lorsque tu sors de chez toi pour te rendre au musalla, il est recommandé de faire le takbir à voix haute. Comme cela est confirmé de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir le jour de la fête de la rupture dès qu'il sortait de chez lui jusqu'à ce qu'il arrive au musalla, au lieu de prière. Et d'après Nafi' rahimahullah, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il sortait le jour de la fête de la rupture et de la fête du sacrifice, il faisait le takbir à voix haute jusqu'à ce qu'il arrive au lieu de prière. Une fois arrivé, il continuait le takbir jusqu'à ce qu'arrive l'imam. Donc la sunna, c'est de faire le takbir jusqu'à l'arrivée de l'imam. Une fois que l'imam est arrivé, on s'arrête de faire le takbir et on commence ensuite la prière. Et je tiens à attirer votre attention qu'il n'est pas légiféré de faire le takbir en groupe d'une seule voix. Mais la sunna est que chacun fasse le takbir à voix haute de manière individuelle et non pas d'une seule voix. Quatrièmement, parmi les choses légiférées, il y a le fait de te rendre à la prière de l'Aïd en marchant. Et ce d'après le hadith de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, il fait partie de la sunna de se rendre à la prière de la fête en marchant. C'est en se basant sur ce hadith que nombre de gens de science ont recommandé de sortir le jour de l'Aïd à pied et de ne pas prendre de véhicule. Sauf pour celui qui a une excuse, comme celui qui habite loin de l'endroit de prière, ou celui qui ne peut pas marcher, ou autre raison le contraignant à prendre son véhicule pour se rendre à la prière de l'Aïd. Cinquièmement, parmi les choses légiférées, le jour de la prière de l'Aïd, il y a le fait d'emprunter un chemin différent au retour que celui que tu empruntes à l'aller. Et ce d'après le hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenez un chemin différent le jour de l'Aïd, c'est-à-dire au retour. Donc, lorsque tu reviens de la prière, tu empruntes un chemin différent pour retourner chez toi que celui que tu as emprunté à l'aller. Sixièmement, parmi les choses légiférées le jour de l'Aïd, il y a, bien évidemment, la prière après le lever du soleil, sans aucun appel à la prière, ni adhan, ni iqama. Et elle est de deux unités. Et l'imam accomplit 7 takbir lors de la première unité, et 5 lors de la deuxième. Et la sunna pour lui est de dire à voix haute lors de ses prières, dans la première unité surat al-A'la et dans la deuxième unité surat al-Ghashiya. Ou alors dans la première unité surat Qaf et dans la deuxième surat al-Qamar. Et la khutba, le sermon de l'Aïd, il a lieu après la prière. Et la sunna également est que les femmes se rendent à cette prière. Et d'après Umm Atiya, radiyallahu ta'ala anha, elle a dit, il nous a été ordonné de sortir le jour de la fête. Et nous sortions même les femmes indisposées, ainsi que les femmes pudiques qui ne sortent pas habituellement de leur foyer. Les femmes venaient donc assister à la prière du Eid avec le groupe des musulmans afin d'assister à leurs invocations, et celles qui étaient indisposées se retiraient du lieu de prière. C'est-à-dire qu'elles se mettaient en retrait des femmes qui sont en train de prier, au fond de la salle par exemple, si la prière est accomplie à la mosquée. Cependant, les savants ont insisté sur l'importance que la femme se rende à cette prière sans s'embellir, sans se parfumer, sans se vêtir de vêtements qui ne sont pas légiférés et qu'elle ne se mélange pas aux hommes. Et c'est une chose qui est très importante, surtout à notre époque où l'exhibition s'est multipliée au sein des musulmans. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous pardonner. Septièmement, parmi les choses légiférées le jour de la fête de la rupture, s'il coïncide avec le jour du vendredi, comme cela va peut-être avoir lieu cette année, si le Eid est annoncé jeudi soir. Donc dans ce cas-là, celui qui a accompli la prière de l'Eid, il ne lui est pas obligatoire de se rendre à la prière du vendredi. Et ce d'après le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, les deux fêtes se sont réunies en ce jour, alors celui qui le veut, il n'a pas à prier le vendredi. C'est-à-dire que celui qui a assisté et a accompli la prière de la fête de la rupture, alors il lui est permis de ne pas se rendre à la prière du vendredi. Cependant, il doit accomplir la prière du dhuhr en 4 unités. Huitièmement, parmi les choses légiférées, il y a le fait de s'adresser des félicitations, comme en se disant « Taqabbal Allahu minna wa minkum, wa'idukum mubarak » ou autre manière de se féliciter le jour de l'Aïd et parmi les choses auxquelles se sont habitués les musulmans. Il n'y a pas de mal en cela. Également, il n'y a pas de mal à se faire la collade comme cela est fait dans certains endroits si ceci fait partie des coutumes des gens du pays dans lequel tu te trouves. Et il est rapporté dans le hadith de Muhammad ibn Ziyad qui a dit « J'étais avec Abi Umam al-Bahili et autre que lui parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Et lorsqu'il revenait, c'est-à-dire lorsqu'il revenait de la prière de l'Aïd, ils se disaient les uns les autres تقبل الله منا ومنك. Qu'Allah accepte de nous et de toi. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit que la chaîne de transmission de ce hadith est bonne. Il fait donc partie des choses légiférées le jour de l'Aïd que les musulmans se félicitent les uns les autres en s'adressant cette invocation ou d'autres paroles permises auxquelles ils se sont accoutumés. Neuvièmement, parmi les choses importantes à se rappeler, il y a le fait que le jour de l'Aïd est un jour de joie. C'est-à-dire que les musulmans, ils doivent manifester en ce jour la joie et se réjouir qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ait facilité d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, la prière en ces nuits, la lecture du Coran et autres œuvres pieuses qui leur ont été facilitées en ce mois. Enfin, parmi les choses importantes à souligner, il y a le fait que tu dois prendre garde le jour de la fête de ne pas tomber dans des transgressions religieuses. En effet, parmi les choses répandues, le jour de la fête, il y a par exemple que certaines personnes s'embellissent de manière illicite, comme en laissant traîner son vêtement au sol pour les hommes, ou encore en se rasant la barbe et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne pense qu'elle s'embellit de cette manière, alors qu'en réalité cela l'enlaidit, car les péchés assombrissent les visages de leurs auteurs. Et la beauté, elle se trouve dans le suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne se trouve pas en s'assimilant aux mécréants ou en contredisant et en s'opposant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, il doit faire attention à cela et s'accrocher à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas s'y opposer en ce jour de fête, car ceci s'oppose à la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu être reconnaissant envers Allah alors que tu transgresses à ses ordres et que tu commets ses interdits? Également, parmi les choses interdites et parmi les choses répandues par les musulmans, il y a le fait de célébrer ce jour de manière illicite, en commettant des péchés, comme en écoutant la musique, en regardant des choses illicites, en s'exhibant ou en se mélangeant dans des endroits mixtes. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Il doit prendre garde à s'éloigner des interdits d'Allah, même en ce jour de fête. On a dit qu'il est légiféré de se divertir, mais de manière licite. Avec des divertissements licites, tu dois manifester ta joie de manière agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas en transgressant ses ordres, en commettant ses interdits. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il incombe donc aux musulmans, et notamment aux responsables de foyer, de prendre garde à leur famille, de prendre garde à ceux qui sont sous leur responsabilité et leur interdire de commettre des interdits en ce jour, comme le fait de se rendre dans des endroits de divertissement illicites où règne la mixité et les nombreuses transgressions aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et autres péchés encore. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour nos manquements et de nous préserver de cela. Il est donc recommandé pour le musulman de participer à cette prière, la prière de l'Aïd, qui fait partie des rites apparents de notre religion, la religion de l'islam. Le musulman doit donc s'y rendre en prenant garde à ne pas transgresser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais t'y rendre avec quiétude et humilité, recherchant à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois baisser le regard en ce jour, ne pas commettre d'interdits, comme il est rapporté de certains salafs. Une des premières choses qu'ils faisaient le jour de l'Aïd, c'est de baisser le regard. Car les femmes sortaient à cette prière alors qu'elles ne sortaient pas comme elles sortent aujourd'hui. Donc une des premières choses par lesquelles ils commençaient le jour de l'Aïd, c'est de baisser le regard et de ne pas regarder ce qui était interdit. Également, tu dois préserver ta langue en ce jour du Aïd de toute futilité, de toute parole mauvaise, de tout dénigrement, de toute médisance et de toute calomnie. Également, te préserver d'écouter les choses illicites parmi la musique, les paroles interdites ou autres, et éviter les divertissements illicites qui sont accomplis par certains ignorants parmi les musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide ainsi qu'eux. Mais tu dois faire suivre ton mois de Ramadan par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas par son contraire, en lui désobéissant et en transgressant à ses ordres et en commettant ses interdits. C'est pour cela d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré à la communauté de jeûner après le mois de Ramadan, le jeûne de 6 jours de Shawwal, comme cela est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre par 6 jours de Shawwal, alors c'est comme s'il avait jeûné une année. C'est-à-dire en termes de récompense. Car ses œuvres sont décuplées. Il jeûne le mois de Ramadan. Et ceci équivaut à la récompense de 10 mois. Car la bonne action équivaut à 10 semblables à elle. Donc le mois de Ramadan équivaut au jeûne de 10 mois en termes de récompense. Puis tu le fais suivre des 6 jours du mois de Shawwal, qui équivaut alors à 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. C'est pour cela que cela équivaut au jeûne d'une année en termes de récompense. Il est donc important pour le musulman de faire suivre son mois de Ramadan par le jeûne des 6 jours de Shawwal. Il commence tout d'abord par rattraper les jours qu'il a manqués durant ce mois, puis ensuite il jeûne ses 6 jours du mois de Shawwal afin d'obtenir cette récompense immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les choses légiférées qu'il ne faut pas oublier, comme on a dit, il y a le fait de faire le takbir. Il commence dès le coucher du soleil, la veille de l'Aïd, c'est-à-dire après la prière du Maghreb, al-takbir al-mutlaq, qui n'est pas restreint à un temps particulier. Donc, tu fais le takbir, mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah par le takbir en disant Allahu Akbar pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. Ceci sont donc quelques points liés aux choses légiférées en ce jour de fête et en cette fin de mois de Ramadan. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter toutes les œuvres qu'il aime et qu'il agrée. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.